ça fout de la merde. C'est pas vrai, elle a lavé. Marie Patate, elle s'en fout de la merde. C'est pas vrai, elle a lavé. Marie Patate, elle s'en fout de la merde. C'est pas vrai, elle a lavé. Marie Patate, elle s'en fout de la merde. C'est pas vrai, elle a lavé. Hey, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Marguerite, répondu, si t'es sage, Marguerite, répondu. Et c'est moi qui l'ai topé. Elle a de belles cuisses. Et moi c'est Elvisse. Allons doucement, sans trop presser. C'est mal dit, et ça dure plus longtemps. Allons doucement, sans trop presser. C'est mal dit, et ça dure plus longtemps. Charlotte, sont les charlottes. Allons doucement, sans trop presser le mouvement. C'est palpitant et ça dure plus longtemps. Allons doucement, sans trop presser le mouvement. C'est palpitant et ça dure plus longtemps. Ça va, ça vient, ça fait du bien. Ça rentre, ça sort, ça fait ressort. Alors la musique, c'est vraiment magnifique. Toujours présent pour entrer dans, jamais pressé pour retirer. La la la la la la la. Ça va, ça vient, ça fait du bien, ça rentre, ça sort, ça fait ressort. En avant la musique, c'est vraiment magnifique. Toujours présent pour entrer dans, jamais pressé pour retirer. La la la la la la la la la la la la. Est-ce que t'as pas vu la mort? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est chez Sanche, elle est chez Sanche. Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Est-ce que t'as pas vu la bande? Elle est chez Sanche, elle est au chèque. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. Elle te fera cocu, elle te foutra les coups de poing sur ta gueule. Elle te fera cocu, elle te foutra les coups de poing dans ton cul. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle te marie pas. Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas, elle t'emmerdera pas. La cabatière, fais-nous crédit, on te paiera tout ça samedi. Si tu ne veux pas, c'est de la part. Mais la mort, on va te geler dans ton comptoir. À la piqûre, à la piqûre, de l'ordure, de l'ordure. Et puis Bénard, c'est copinard. Il rentre tôt, il rentre tôt, il rentre tard, il rentre tard. Il a toujours son père Pinard. Bravo! C'est la poissonnière. Elle est corchée. Comme elle est belle la bande, comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle la bande. Sonne, sonne, sonne, mon père il est soldat, il est chasseur à cheval, et moi je m'en fiche pas mal. Sonne, sonne, sonne. son beau toi qui sont qu'il est ma Caroline. Ta maison, ta mère.